Chapitre 16e. 3 jours passèrent sans que quiconque ne revît les mariés. Pendant tout ce temps, Ron tenait son oncle Jason au courant des événements. « Incroyable !» fit celui-ci. « Un remède contre le cancer ? C'est bien mon frère, ça. »« Certes, mais il n'est pas complet. Il a encore du travail, si tu te souviens bien de ce dont je t'ai parlé. »« Il y arrivera. Il est tenace et persévérant. Il tient à sa femme. » Plus que n'importe quoi ou qui. Ce qui est plus préoccupant, c'est cette histoire de virus. Dans quoi encore est-il allé se fourrer? C'est pas sa faute. Grâce à son abnégation, il a pu me sauver lorsque j'étais bébé. Tu te souviens de cette leucémie? Oh que oui! Ta mère lui serinait sans cesse que c'était de sa faute, qu'il n'avait pas de bons gènes et que si elle avait su, elle ne se serait jamais mariée avec lui. La bonté même, ta mère. Enfin, désolé, je sais que c'est ta mère, mais quand même. Ne t'excuse pas, mon oncle, je sais comment elle est. La conversation se poursuivit par des sujets plus plaisants. Ils profitèrent de tous les plaisirs que ce superbe navire leur offrait. Faisant une escale à Rome, ils descendirent à terre et Jason fit visiter sa ville d'adoption à son neveu favori. Il le raccompagna au Mermaid of the Seas et rejoignit son ambassade, non sans laisser une lettre pour les amoureux. Harmony et Jérémy, quant à eux, goûtaient leur petite lune de miel. Nageant en plein bonheur, ils passaient du lit au balcon et du balcon au jacuzzi. Vint le moment pour Jérémy de poser une question essentielle. « Mon amour, as-tu pensé à l'endroit où nous allons poser nos valises ?»« Eh bien, non, pas encore. J'ai supposé que tu voudrais retourner aux États-Unis où se situe ton labo. »« Je m'en doute, mais je veux que tu me donnes ton avis, tout simplement. » Je peux faire mes recherches partout, rien ne m'en empêche. Mon père Robert avait enfin encore une propriété en France. Elle est située sur les hauteurs de Honfleur. Tu connais? Si je connais, certainement et plutôt bien. La tante qui m'a élevée est née dans cette charmante petite ville. Bien, jusqu'à présent, elle commence à perdre de son charme d'antan à cause des touristes et des Parisiens. Ils ouvrent des restaurants, des boutiques de brocantes ultramodernes qui, pour ma part, dénaturent le charme vieillot de cette cité. C'est vraiment dommage. Où se situe cette maison? Une propriété, plutôt. Ma mère y est enterrée. Comment? Fit Harmony étonnée. Mon père, après son décès, a fait venir sa dépouille ici où il pensait finir ses jours. De son tombeau, on peut admirer la mer. Située sur les hauteurs de la côte Sainte-Catherine, elle domine l'estuaire. Depuis de nombreuses années, les Morins en sont les gardiens. Ils vivent dans un charmant petit cottage au fond du parc. Ils s'occupent de la vieille demeure, de l'immense jardin. Il est magnifique. Tu aimeras les rosiers. Louise en est folle. Au fil des années, elle en a planté des dizaines. Il m'envoie régulièrement des photos. Je pense qu'ils vont être enchantés de voir cette maison enfin reprendre vie. Elle est immense, tu verras, mais chaleureuse. Je me souviendrai toujours de la première fois que je l'ai vue. J'ai adoré la vue qu'elle offrait sur l'estuaire. Je restais des heures à regarder les chalutiers partir et revenir de la pêche. Elle est grande, nous pourrons l'aménager comme tu le voudras. Je pourrais y établir mon labo au sous-sol et... Il s'arrêta et regarda sa femme qui souriait. J'ai l'impression que tu y songes depuis un bon moment. Exact. Ma femme étant française, il était logique que je l'envisage. Qu'en penses-tu, mon âme ? Harmony, bien que fortement tentée, se demandait si cela reflétait réellement le souhait de son mari. Tu ne te sentiras pas dépaysée ? Tu n'as jamais vécu en France ? À part mon accent, tu penses que je ne suis pas apte à m'adapter à la vie ici ? Oh, mais bien sûr que si, mais je pensais que tu... Il lui coupa la parole. Je vais être plus directe. Veux-tu vivre en France ou ailleurs? Si c'est Honfleur, tu me prends par les sentiments. Ah, ce que les femmes sont compliquées. Nous avons perdu 15 minutes en discussion stérile. 15 minutes qui auraient pu être utiles à cela, par exemple. Il l'embrassa passionnément et la mit sur ses genoux. Puis ils passèrent un long moment sur le lit avant de s'endormir épuisés. 2 autres jours encore se passèrent de la même façon. Au matin du 3e, ils retrouvèrent Ronnie pour le petit déjeuner avant de débarquer. « Enfin !» fit celui-ci. « J'étais persuadé que vous resteriez à jamais dans votre suite. »« Nous en reparlerons lorsque tu seras marié. Harmonie et moi allons vivre en France. Veux-tu venir voir la propriété? Et si cela te plaît, tu pourrais toi aussi y poser ta valise. Sinon, tu repartiras en Amérique lorsque tes cours reprendront. Dad, je t'ai déjà dit que je ne reprendrai pas mes cours. Je veux travailler avec toi. Alors il te faudra t'inscrire dans une université française et obtenir ton examen de biochimie. Si tout se passe bien, je te prendrai en stage et ensuite nous déciderons. Cela te va? Parfaitement. En attendant, ce sont encore les vacances et je compte bien en profiter. Au petit matin, une fois le petit déjeuner terminé, ils se retrouvèrent sur le pont du bateau. Celui-ci aborderait dans quelques encablures dans le port du Havre. Dans la brume, au loin, déjà se profilait le pont de Normandie, avec ses immenses haubans. Puis vinrent les industries pétrolières. Pas vraiment romantique, mon cœur, fit Jérémie avec une moue désolée. Ne t'inquiète pas, je connais. Le Havre n'est pas réputé pour être une des plus belles villes de Normandie. Dans les bras l'un de l'autre, ils attendirent que le grand navire soit complètement amarré. Roger doit nous attendre sur le parking, fit Jérémie. Nous y allons, mon amour. Harmonie jeta une dernière fois un coup d'œil à l'immense navire qui avait concrétisé son rêve le plus fou. Puis prenant la main de son mari, je te suis, mon amour. Roger Morin avait la cinquantaine. Grand et bel homme, il serra la main de Jérémie avec chaleur et se tournant vers Harmonie. Bienvenue, madame. J'espère que vous serez heureuse parmi nous. En tous les cas, nous ferons tout pour Louise, ma femme et moi, pour vous rendre la vie la plus douce possible. Merci, monsieur Morin, fit-elle. Mais il lui coupa la parole gentiment. Il faudra nous appeler par nos prénoms, si vous le voulez bien. Oh, certainement, avec grand plaisir, Roger. L'homme, après les avoir installés à l'arrière de la berline, mit leurs bagages dans le coffre et s'installa au volant. Avez-vous fait un agréable voyage? Cela fait si longtemps que personne n'habite cette belle demeure que nous sommes heureux qu'elle soit enfin occupée. Elle le mérite. Vous verrez, vous y serez bien. La voiture emprunta l'immense pont de Normandie qui traversait la Seine pour se diriger vers Honfleur. À cette heure matinale, les femmes des pêcheurs commençaient à installer leurs étals, où elles vendraient directement le fruit de la pêche de leurs maris aux habitants. Le soleil commençait à pointer et à soulever la brume. La voiture emprunta enfin une rue pentue pour s'arrêter devant un grand portail en fer forgé qui s'ouvrit silencieusement avec une télécommande qu'actionna Roger Morin. Peu après, enfin, la berline s'arrêta devant un grand perron de pierre. Ce dernier sortit les bagages du coffre et offrit ses services, mais Jérémie les refusa gentiment. Il voulait être seul pour prendre pleinement possession de leur maison. Roger repartit donc garer la voiture dans le garage attenant et se dépêcha de rentrer chez lui, narrer à sa femme ce que désiraient leurs nouveaux employeurs. Ron et Harmonie prirent la parole en même temps. Impressionnant. En cœur, c'est pas mal, fit Jérémie amusé. Il faudrait seulement que je retrouve les clés. Oh non, ne me dis pas que tu les as égarées, fit Ron éploré. Je suis si fatigué que je dormirai sur les marches. Harmonie fut étonnée de l'entendre. Le jeune garçon ne parlait plus depuis qu'ils avaient quitté le navire et paraissait mélancolique. C'est ça de faire autant la fiesta, répondit son père avant d'agiter un trousseau. Yes, enfin. Le hall d'entrée était assez spectaculaire. Une voûte de plus de 5 mètres de haut, un escalier en colimaçon, orné d'une rampe de bois exotique sculptée, s'envolait vers l'étage. À droite, Jérémie ouvrit une porte qui donnait sur une immense pièce à vivre. Les meubles embaumaient la cire d'abeille. Ils luisaient doucement dans la lumière tamisée du jour naissant. Sur l'immense table de bois rustique, trônait un énorme bouquet de roses de toutes couleurs. Harmonie se précipita pour les humer. Ils sont vraiment adorables, fit-elle parlant du couple qui entretenait cette magnifique demeure. Oui, ils ont le sens du devoir et de la gentillesse poussés à l'extrême. Ils ont toujours été ainsi du plus loin que je m'en souvienne. C'est aussi pour cela que je pense que nous serons vraiment très heureux ici. C'est beau, mais si grand, s'exclama Harmonie. Tu n'aimes pas? Demanda Jérémie dépité. Oh, que si! Mais je pense qu'il va falloir un certain temps pour que je m'y habitue. Je suppose qu'à l'étage, c'est la même chose. C'est probable, en effet. La maison a l'air en bon état. Il faudra juste rafraîchir les peintures, le sol, mais garder ces meubles si anciens et superbes. Jérémie se tourna vers son fils. Mets une femme de bon goût dans ce genre de demeure, et elle en fera un havre de paix où il fera bon vivre. Souviens-t'en. Dans les mois qui suivirent, la vieille maison vit toutes sortes d'ouvriers la choyer. La vieille demeure se refit une beauté. Harmonie choisit des tons chauds et doux qui s'harmonisaient parfaitement avec l'âge de la vieille dame et de tous ces bois si bien entretenus au fil des années. Harmonie apprit que cette vieille bâtisse avait été construite en 1888. Cette vieille dame méritait amplement l'entretien qu'elle requérait. Pendant que les travaux se déroulaient sans anicroche à l'intérieur, Jérémie supervisait ceux du sous-sol pour son labo, et Harmonie donnait la main à Louise pour le jardin. Elle s'entendait à merveille, ce qui conforta Jérémie que son idée était bien la meilleure de s'installer ici en France. Un matin, cependant, Harmonie se sentit mal. Une nausée lui souleva le cœur et elle dut s'appuyer au chambranle de la porte pour ne pas s'évanouir. « Pas déjà, » se dit-elle effarée, « c'est trop tôt. Il a 5 à 8 ans. Serait-il possible que déjà cette fichue tumeur soit revenue ? Je ne vais pas l'inquiéter maintenant, il est tellement heureux. » Elle attendit quelques minutes et, en redescendant l'escalier, mit un sourire de convenance sur son visage. La journée était splendide. Le mois de septembre commençait à peine et l'été n'en finissait pas. Ils jardinèrent ensemble pendant une bonne demi-heure lorsqu'elle se sentit de nouveau mal. Se redressant vivement, elle eut un violent vertige. Jérémie, qui la regardait, la vit pâlir et d'un seul coup, ses jambes fléchirent. Il lâcha son outil et n'eut que le temps de la recevoir dans ses bras. Il courut jusqu'à la maison et l'allongea sur l'immense canapé de cuir fauve. Il prit ensuite son pouls qui battait juste un peu trop vite. Sortant son smartphone, il appela. « Gunther, y a mon ami, que se passe-t-il » Gunther avait un accent allemand très prononcé. Il travaillait avec lui depuis de nombreuses années. Gunther avait un accent allemand très prononcé. Il travaillait avec lui depuis de nombreuses années, l'un en France, l'autre aux États-Unis. C'était un grand gaillard blond et jovial, bien qu'atteint d'une timidité maladive. Jérémie et lui se comprenaient à demi-mot. « Peux-tu venir immédiatement à la propriété ?»« J'arrive. » Il ne fut nul besoin de lui parler de la maladie d'Harmonie. Jérémie s'en était chargé le lendemain même de leur arrivée. De la clinique à la propriété, il n'y avait qu'une dizaine de minutes, que l'homme réussit à effectuer en 7. Il monta les marches 4 à 4 et se retrouva dans la chambre des époux. Essoufflé, il sortit son stéthoscope. Harmonie avait repris connaissance et affirma à l'homme qu'elle aimait que son malaise n'était dû qu'à la chaleur. Nous verrons. Gunther est un excellent ami médecin. Il travaille à la clinique de mon père depuis des lustres. Il va t'examiner en détail. Le médecin, consciencieux, prit tout son temps et au bout d'un long moment déclara « Je ne vois rien de grave, mais je préférerais que vous veniez à la clinique pour rechercher les causes de ce malaise. Ce n'est guère nécessaire, je vais bien. Justement, je pense que vous voulez rassurer votre mari, non ?» Devant cet argument implacable, Harmonie ne put qu'accepter. Elle promit de s'y rendre dès le lendemain matin de bonne heure. Les examens durèrent 3 bonnes heures. Il n'y avait plus qu'à attendre les résultats. Elle angoissait au moins autant que Jérémie, mais essayait de n'en rien montrer. Le médecin enfin les fit entrer dans son bureau, et il relisait attentivement toutes les notes que le labo lui avait envoyées. Il leur proposa les 2 sièges et s'assied derrière son bureau, la mine apparemment grave. « Je ne sais pas comment vous annoncer la nouvelle. » Jérémie et Harmonie pâlirent et se tinrent la main attendant que le verdict tombe. « Ne nous fais pas languir, c'est insupportable. »« Je me demande bien pourquoi. »« Vous êtes en parfaite santé, chère Harmonie. »« Comment ?» sursautèrent-ils ensemble. « Les analyses ne mentent pas. »« Cependant, je dois vous annoncer. »« Gunther, si tu continues, je t'arrache ces feuilles. »« Bon, d'accord. »« Vous allez être parents dans 6 petits mois. » La mine sidérée de ses amis le fit éclater de rire. Heureux parents, mais je veux vous revoir dans 1 mois pour la première échographie, et cela sans faute. À présent, je vais vous laisser. J'ai du travail un peu plus sérieux qui m'attend. Ah, j'espère bien être parrain, s'exclama-t-il. Il les congratula encore et sortit de son bureau en souriant du bon tour qu'il venait de leur jouer.